loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop. Drum, Rex. Drum. Il n'y a rien. Alors attends, faut que je cale tout ça. Ok. Et attends, merde. J'ai raté le coche. Lucas, s'il te plaît, moins fort. Ça me rappelle un truc, je sais plus. Thank you. Salut boss. Ah ouais, super, il joue super bien. Hola, Meto.